Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et à ce temps-ci, l'émission, c'est bien sûr le commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque, vous pouvez lire sur le site de québecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-RODK. Cette semaine, Sonny Lévesque, Monette. Un nouveau Monette, un nouvel album qui nous brasse, qui nous interpelle. Tel est l'énoncé qui me sert de présentation pour cet album-là, Sonner l'éveil. Oui, la musique est un divertissement, mais oui, la musique peut être aussi un ralliement. Monette nous propose ici son quatrième album et poursuit là où il avait quitté lors du dernier album. Sonner l'éveil, un univers folk, rock, blues des plus captivants. De pièce en pièce, nous sommes emportés par une énergie qui nous interpelle autant que les paroles des chansons. Au niveau des textes, Monette nous parle, nous rappelle des histoires, rend hommage à des gens qu'il a croisés. Peu importe, l'intention de l'artiste est remplie de franchise et de respect envers ses sujets, envers ses musiques et envers ses auditeurs. Je vous donne une adresse, bien sûr. Allez mettre la main sur ce disque-là, Sonner l'éveil de Monette. Vous allez tout simplement au Serge Monette en un mot, donc sergemonette.bandcamp.com et vous pourrez vous procurer ce excellent disque-là. On va y aller, bien sûr, avec une première plage. C'est la chanson qui débute l'album. Et vous allez voir, on va reconnaître le rock solide de Monette, l'énergie et le texte captivant. Voici « On part à neuf », l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien Monette, avec une excellente chanson de son album « Sonner l'éveil ». Le sourire léger. Je pourrais facilement vous parler de chaque chanson et vous remplir des pages et des pages de commentaires, mais comme on vient de l'entendre, l'album s'ouvre avec une chanson qui donne un peu le ton du disque. On part à neuf, un rock solide comme seul Monette peut nous en livrer. Ce texte nous invite à regarder et aller de l'avant en gardant la tête haute. Les grands combats de la francophonie ontarienne nous ont souvent donné de grandes chansons. Eh bien, un peuple debout qu'on va entendre dans quelques instants peut se classer facilement dans cette catégorie. Cette création collective exprime exactement où nous en sommes rendus. Monette nous offre également un bel oasis avec beau gros grand ciel bleu, un peu de douceur et de compassion pour bercer l'âme. Et je termine par un bel hommage à Paul Demers, tant éphémère qu'on va entendre en fin de commentaire, est tout à fait solide, intense et touchant. Merci Paul, et comme le dit si bien Monette, chantons sa chanson pour ceux qui restent. Mais pour l'instant, voici Un peuple debout, Monette. Jamais debout vivant. Oh, combien de fois avons-nous brisé les murs, les cages imposées? Oh, combien de mentries avons-nous entendu? Discours de loup de ces hommes tordus, de ces femmes vendues. Je vois un peuple debout, luttant jusqu'au bout. Comme je l'ai mentionné tantôt, oui, la musique est un divertissement, mais oui, la musique peut être un ralliement. Je pense que le besoin en était évident. Le quatrième opus de Monette, Sonner l'éveil, vient nous mettre un peu de boost dans notre fierté, proposant des musiques folk rock blues solides et nous interpelle avec une plume engagée qui remplit un vide, qui nous fait du bien. toujours avec cet esprit de conteur hors du commun, un timbre de voix puissant, il réussit à nous captiver dès les premiers accords. Renoué avec un auteur, compositeur, interprète exceptionnel en visitant son site sergemonette.bandcamp.com et mettant la main sur Sonny l'éveil, très bon album. On va se quitter avec une dernière chanson. On a perdu, il y a quelques années, M. Paul Demers et Monette lui rend hommage, un bel hommage dans Temps éphémère. Voici l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien Monette. Semblait si grande comme tableau, un hangar gris, des cailloux comme plate-bande. Mon père fut un lâche, laissant derrière lui trois gamins pour une seule bâche, sans donner signe de vie. Comme nous venons de tellement loin, qu'il n'est pas rare de batailler pour faire son coin, et encore pour faire son lendemain, toutes ces années durant. Nous sommes des hommes maintenant. Là où nous vivions, rue des misérables, les immeubles et leurs balcons donnaient des airs pitoyables. Mon paternel n'est plus, c'est ce que l'on raconte. Sans avertir, sans salut, qu'il repose dans la honte. Comme nous venons de tellement loin, qu'il n'est pas rare de batailler pour faire son coin, et encore pour faire son lendemain, toutes ces années durant. Nous sommes des hommes maintenant. Débuter notre bloc Québec-Ontario avec une belle chanson au souvenir, la pièce titre de l'album Les Trois Hommes de Michel Russell. Michel Russell qui nous prépare un EP pour l'automne. On va écouter une pièce de Romeo Carey Blue. C'est Tu voles mon âme. Excellente chanson, vous allez voir. Et il y a aussi André Varin qui a écrit une très belle chanson et que vous pouvez voir sur ma page Facebook de Canrock. On va écouter Belle éclaircie, pièce titre de son album, André Varin, pour nous rendre à la pause de l'heure. Mais pour l'instant, Tu voles mon âme, Michel Russell. « Tu te lèves, voilà, c'est le moment. Derrière la porte, y'a le couloir. Tu reprendras ta vie d'avant. Tu seras auprès de lui ce soir. J'ai senti ton souffle brûlant dans une chambre avec baignoire. Je suis rentré chez moi tout doucement. J'ai emprunté le même couloir. Séjour. Moi je fumerai ma clope dehors. Je rentrerai chez moi et comme toujours j'emprunterai le même corridor. Sans crainte, je ne ferai pas d'ombre. J'entends le vent qui fait rage au dehors de cette chambre sombre. Tu retourneras là où est ta place en longeant toujours le même couloir. Mais je refuse de me voir dans la glace. Je préfère crever ce soir. Céleste sans goutte de pluie, t'es comme un baume sur mes plaies, mais je savais pas que je t'attendais. Oh, oh, oh. Seul dans la foule quand tu danses, belle impudeur sans impudence, tu es le rock et le classique, fais-moi entendre la musique. Oh, oh. Reste là, on ne dira rien, on regardera passer le temps. Mais reste là, touche encore ma main, les yeux fermés, allumer le vent. Mmh. veux de fête, tu me regardes. Je suis conquis, je baisse la garde. J'aime ta fougue et ton audace, mais tu sors d'où, t'es de quelle race, hein? Que voyais-tu pour t'approcher de moi, l'épave, moi l'échoué? Comment t'as su qu'avec tes rires, en quelques mois, j'allais guérir, hein? Reste là, on ne dira rien, on regardera passer le temps. Mais reste là, touche encore ma main, les yeux fermés à humer le vent. Plein le cœur, je veux bien monter dans ton bateau. Je veux tellement croire qu'il fera beau. Mais reste là, on ne dira rien, on regardera passer le temps. Mais reste là, touche encore ma main, les yeux fermés à humer le vent.